Bonjour à tous. Bon, au début, je tiens à remercier l'organisation de ce colloque, aussi la fondation qui nous a reçus. Aussi, je tiens aussi à féliciter ceux qui sont responsables du site web du projet lui-même, parce qu'il est très bien fait, il est informatif, et donc... Et comme ça, j'ai pu savoir qu'il y a Sabrina Marlier qui a parlé aussi des espaces de navigation avant moi, mais c'était dans le Rhône, et moi je vais parler sur le Nil. Je crois que je vais parler en arabe, puisque tout le monde a parlé dans son langue maternelle. Mais voilà, c'est ma deuxième langue quand même, le français. Et je vais présenter les diapositives en anglais, comme ça les autres peuvent lire l'anglais aussi. Donc je parlerai sur l'influence de l'espace de navigation numérique et lagunaire sur la construction navale en Égypte ancienne. Et comme ça, je vais vous prendre un peu plus loin dans l'histoire que ce qu'on a dit hier ou aujourd'hui. Ça va être l'époque pharaonique en spécifiquement. Je vais au début aborder la question des Égyptiens. Est-ce qu'ils ont navigué sur la mer ou non? Il y avait un débat dans les années 70-80 entre plusieurs spécialistes, dont Honor Frost et Alessandra Nebbi, et des égyptologues aussi comme Van der Slyn. Nous avons le mot « Wajwer », qui veut dire le grand vert, et il est interprété par la mer, ou la mer rouge, ou la Méditerranée. Mais Van der Slyn, et aussi après lui Dimitri Mix, il pensait que ce mot n'a jamais désigné la mer que dans peu de cas. Même Alessandra Nebbi, elle pense que le grand vert, c'est le delta. Dans une autre opinion, elle a désigné le Sinaï. Mais finalement, les textes disent que les Égyptiens ont navigué sur la mer Rouge. Ce sont les Égyptiens qui ont navigué et pas par l'intermédiaire d'autres nationalités comme les Phéniciens par exemple. Et devant nous, il y a deux morceaux de la pierre de Palerme qui sont en fait une sorte de calendrier des faits des rois à l'époque pharaonique. Et on peut lire que le temps de Sénéphrou, le père de Khéops, il a envoyé 40 bateaux pour ramener du bois du Liban. Ce qui va envoyer 40 bateaux de l'Égypte vers le Liban, cela veut dire qu'ils avaient avant navigué, aventuré sur la mer pour arriver au Liban, pour ramener d'autres bois. En fait, ce n'est pas seulement les sources écrites qui montrent ça, mais nous avons des représentations très antiques sur plusieurs supports et qui désignent ou qui décrivent des activités différentes. Donc nous avons de Nakada à 3200, nous avons des représentations sur les vagues. Oui. Et aussi cette vase qui montre pour la première fois une voile carrée, et comme ça on pense que l'Égypte a exporté l'idée d'avoir une voile carrée de cette civilisation nilotique vers la Méditerranée elle-même. Sur le couteau ou la manche du couteau de Gabal el-Arki, aussi on peut voir une scène, peut-être une scène de guerre du 3300-3200 avant. Aussi sur la peigne du roi Djed, qui présente aussi un bateau, comme on le voit ici. Et donc nous avons plusieurs supports en fait. Nous avons l'ivoire, nous avons l'or, les vases, mais aussi nous avons le textile, comme la peinture de Gébelin, qui montre aussi plusieurs types de bateaux. Et finalement, on ne peut pas oublier aussi qu'il y avait des représentations rupestres, surtout dans la partie est de l'Égypte, dans les vallées qui mènent entre le Nil et la mer Rouge elle-même. Et d'entre ces scènes, on peut même trouver des scènes qui remontent jusqu'au 4500 avant Jésus-Christ. Bon, les motifs ou les activités sont pleines, comme par exemple ici le transport des monuments, ou la guerre, comme la plus ancienne représentation de guerre qui est sur le mur nord du le temple de Medinet Habu de Ramsès III. Aussi le commerce, et nous avons ici l'expédition qui a été envoyée par Hatshepsut, et on sait très bien qu'il y avait des expéditions vers les pays de Punt depuis l'ancien empire. Nous avons aussi les activités journalières, surtout dans les lacs du delta, dans les canaux. Donc nous avons la pêche et la chasse, et aussi le loisir. Donc bien sûr, les nobles ne vont pas se pencher pour pêcher, donc on va faire remonter une vague avec les poissons pour les pêcher. Procession des dieux, donc des motifs religieux, et aussi dans les processions funéraires. C'est pas seulement l'iconographie, mais aussi nous avons le modèle. L'iconographie nous donne une idée, mais sur 2D. Les modèles nous aident un peu dans les 3D. Moi, je dis toujours 2,5, parce que les modèles ne sont pas toujours fiables. Donc, je parle toujours de 2,5. Mais nous avons beaucoup, beaucoup de modèles, surtout qui viennent du Moyen Empire, puisque ils ont décidé de mettre leurs bateaux dans les tombeaux et ne pas à côté de tombeaux comme dans les pyramides, les complexes des pyramides, et même comme dans la première dynastie où on trouvait beaucoup des bateaux ou des résidus de bateaux à Saqqara et Helouan. Revenons aux sources directes. Donc, ce qu'on peut trouver de restes de bateaux. Et ici, la découverte à Marsa Gawasis, qui est sur la mer Rouge, au sud d'Urgada, et Safaga aussi, 20 km de Safaga. On a trouvé un site où il y avait un port à l'époque du 12e dynastie. Ce n'est pas le premier, parce que avant, je viens juste de venir d'une fouille au site du Wadi Jarf, qui est au nord du Hurghada, où on a trouvé un port artificiel qui date du temps de Khéops lui-même. Et plus au nord, nous avons à Ain Sokhna aussi un port qu'on n'a pas trouvé encore, mais on a trouvé les bateaux qui datent depuis du 4e, mais les bateaux qui ont été trouvés et fouillés par Patrice Pomé remonte jusqu'au 12e dynastie aussi. Donc, cette découverte a mis fin au débat de navigation des Égyptiens sur la mer. En fait, ce bout de bois qu'on voit en haut, avec les résidus des faunes marines, montre très bien qu'il y avait une navigation. Ils ont retourné encore une fois, ils se sont débarrassés de bois inutile. Bon, espace de navigation. En fait, il parle des bateaux, leur utilisation sur ces surfaces d'eau et comment il l'exerce et comment il s'adapte aux surfaces d'eau, à la surface d'eau. Et donc, nous avons trois facteurs, l'environnement, facteur socio-économique et la culture. En fait, moi, je vais seulement aborder le facteur d'environnement. Voilà le Nil, voilà la carte de l'Égypte, et vous allez voir qu'il y a un peu de vert et beaucoup de jaune. Donc le jaune, c'est le désert. Et vous allez remarquer aussi les petits points rouges qui montrent les villes et les villages de l'Égypte. Ils sont tous entassés sur le bord du Nil, dans la vallée et dans le delta lui-même. En bleu, c'est la direction du vent dominant. En rouge, c'est la direction du courant. Donc, en fait, c'est un fleuve béni parce que la navigation est simple et facile. Une fois avec la voile et l'autre fois avec le courant lui-même. Donc, depuis les premiers jours, on ne sait pas c'est quand, ils ont commencé à emprunter cette route. On l'appelle l'autoroute de l'Égypte. En fait, il aide au déplacement du nord au sud ou du sud au nord, mais aussi de l'est à l'ouest et le contraire. Vous allez remarquer aussi qu'il y a beaucoup de villes qui sont à l'est du Nil. À l'est du Nil, parce que c'est là-bas où la vallée est plus grande. À l'ouest, il y a plus de sable. En même temps, c'est ancré dans l'imagination de l'Égyptien ancien que l'ouest est le lieu de mort, puisqu'ils ont un culte solaire, le soleil qui monte de l'est, qui va mourir à l'ouest. Donc, on vit à l'est et on va mettre nos défunts à l'ouest. Et si on va à l'ouest, donc on a besoin de bateaux pour y aller. S'il y a une inondation, on doit utiliser les bateaux pour se déplacer. Donc, tout le temps, on a besoin à utiliser cette surface d'eau très importante pour les Égyptiens. On a parlé hier du Rhône et on a parlé de l'utilisation des voies terrestres et des voies du Rhône. Et vous avez dit que les voies terrestres sont plus importantes, peut-être maintenant. Mais en Égypte ancienne, cette voie était toujours la plus importante. Et donc, cet environnement, elles produisent du papyrus et peu de bois. Donc, apparemment, l'Égypte n'a pas connu les monoxyles, mais elle a connu les radeaux, surtout les radeaux en papyrus. En même temps, on en voit peu de radeaux, mais on voit beaucoup de bateaux. Donc, apparemment, avant 3000 avant, ils étaient déjà très évolués, très, très développés, et donc ils ont pu faire les bateaux dans un moment avant 3000 avant. Et donc c'est très simple de ramasser des bouquets de papyrus, les sécher un peu, pas trop, et les réunir dans des fagots ou dans des bouquets et commencer à les coudre ensemble pour faire ce qu'on voit, on voit un bateau en papyrus. Malheureusement, l'Égypte n'a pas ça. N'a pas les grands et les larges billes d'arbres. Mais nous avons ça. Donc, petit et tordu, avec plein de branches, ce qui peut faire des trous dans les planches. C'est pour cela qu'on peut comprendre pourquoi Hérodote a décrit la construction des bateaux en Égypte en disant qu'ils construisent leurs bateaux comme ils construisent les maisons, avec des briques. Ce n'est pas des briques en fait, mais ce sont des petites planches. Il a dit qu'ils sont de 2 coudées, 2 cubits, ce qui fait à peu près 1,5 m. En fait, bon, cette présentation, ça vient du tombeau de Khnoumhotep de 12e dynastie, et on peut voir l'inscription qui veut dire Menich, avec un déterminatif à la fin, celui-là, qui est le ciseau à eau, chisel, que veut dire simplement faire le menuisier. Donc voilà ce qu'on a trouvé du bois de bateau. Vous voyez comment il est. Et donc, puisqu'on n'a pas de longues billes, donc ils utilisent le bois comme ils le trouvent, mais ils l'adaptent l'une avec l'autre. Vous pouvez voir les formes, mais enfin, ils s'adaptent ensemble. Et ce qui est bien, qu'ils s'ancrent ensemble. Ils se mordent ensemble et comme ça, ça fait une sorte d'assemblage sans pièces d'assemblage. Ces pièces viennent de l'Ischt et elles étaient utilisées pour préparer un terrain. Ces balques viennent de près du complexe funéraire de Sésostris le IIIe, et vous pouvez voir comment le bois est petit, pardon, en même temps les cassures dans le bois, c'est pas de cassure, j'arrive pas à trouver le mot, c'est joggles en anglais, et comme ça elle peut se mettre ensemble, et voilà, vous pouvez voir. Comment on a pu utiliser ce bois, comment on a pu transformer ce défaut vers un avantage dans la construction. En fait, on a trouvé du bois qui va jusqu'à 2 mètres, entre 2 mètres et 3 mètres. Ce n'est pas seulement 2 coudées, comme il a dit Hérodote. Donc, dans les méthodes d'assemblage, ça c'est une... C'est la troisième partie de la question. Premièrement, les formes des planches, les tailles des planches, mais aussi la méthode d'assemblage. Parce que les Égyptiens ont continué à utiliser la ligature dans l'assemblage parce qu'il a continué avec sa tradition de ligaturer le papyrus. C'est pas ça seulement, mais il avait l'habitude de ligaturer en sens transversal, comme on le voit ici et ici. Quant à la Grèce antique, l'assemblage par ligature était dans un sens longitudinal. Aussi, il a utilisé les tenons et mortaises. Très tôt, le temps de même, on vient de trouver un autre bateau à Bourawash et on a trouvé des tenons et mortaises dans ce bateau. Et donc, il n'était pas loin d'utiliser les tenons en mortaise vers 3000 avant, mais ce n'était jamais chevillé. Il a utilisé des grands tenons et épaisses. Comme ça, il peut maintenir ses planches en forme et en rigidité. Cette pièce qu'on a trouvée, qu'on a trouvé à la mer Rouge, à Wadi Gawasis, elle présente aussi une cheville. On croit que les Égyptiens étaient pragmatiques et ils utilisaient les chevilles quand ils veulent. Ils connaissaient les chevilles depuis longtemps et on voit ça dans leurs meubles qui datent du 3000 avant. Donc, c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas les chevilles, mais parce qu'ils ne veulent pas utiliser les chevilles et on va dire pourquoi. Mais dans quelques endroits, il a utilisé des points de couture, si on peut dire. Ce sont des parties stratégiques où il a utilisé les cordes, où on a utilisé aussi du cuivre, comme vous voyez ici. Mais pourquoi il n'a pas voulu utiliser les chevilles? Voyons par exemple ici la barque de Khéops, ce que les gens appellent la barque solaire. Il n'est pas une barque solaire. Voyez ici en bas qu'il a démonté le bateau et il l'a mis dans les fosses. Et donc s'il veut démonter le bateau, on ne peut pas démonter un bateau avec des chevilles où il va casser les planches elles-mêmes. Mais lui, il peut démonter les planches en cassant seulement les tenons. C'est pour cela qu'on a vu dans d'autres images les tenons cassés. Ce qui nous a donné un bateau que Richard Stiff il appelle le limousine. C'est un bateau qui fait 42,63 m. Ici, ça nous montre les plusieurs types d'assemblage dans un bateau et les formes bizarres. Donc ça, c'est une forme connue depuis longtemps, ce qu'on appelle « knife-shaped planks ». Donc, vous voyez le delta? Cette grande masse verte qui se couvre avec l'eau 4 mois par an. Ce qui crée un phénomène qu'on appelle le dos des tortues, puisqu'ils vivaient sur le monticule, les combes ou les terres. Et donc, bon, ils étaient plus intelligents que les Égyptiens d'aujourd'hui, qui créaient des sites balnéaires dans les chemins où ils passent les pluies torrentielles. Mais eux, ils savaient très bien qu'il y aura une inondation. Donc, et ils cultivaient en bas, ils vivaient en haut. Et comme ça, pour se déplacer, la seule solution, c'était la barque. Ça peut montrer. C'est juste dans les années 20 ou 30, je crois, cette image. Même les pyramides, on arrivait très près des pyramides. Donc, cet espace qui donne des canaux où un tirant d'eau qui est faible suscite en fait ou sollicite d'avoir un fond qui est plat et pas un fond qui est pincé comme ça qui doit prendre plus de tirant d'eau ou un fond arrondi. Donc dans la mosaïque de Palestrina on peut voir les kibaya qui montre très bien que nous avons un fond plat pour ce type de bateau. Revenons encore une fois à Khéops, à Abydos, de 3000 avant, un fond plat avec un bouchon vif, un fond plat et ou des fonds arrondis. Tout ça aide à naviguer facilement sur le Nil et dans les lagunes du Nil. Et vous pouvez remarquer aussi que nous avons un très faible tirant d'eau. Ça peut donner une idée. Même Mataréa du 5e siècle avant, elle a la même chose. Et je crois que vous avez remarqué que nous n'avons pas de quilles, de vraies quilles. Mais en fait, ce qu'on a, une planchée de quilles ou une planchée centrale ou une planche centrale comme à Abydos. Mais finalement, il y avait ce qu'on peut appeler une quille rudimentaire. Vous pouvez le voir ici. Il disparaît ici, mais on peut le voir sur le côté. De même, on peut voir un autre aménagement pour la rigidité du bateau, ce qu'on appelle la câble de tension dans le complexe de Sahoura. Aussi, dans les bateaux de Hatshepsut, dans l'expédition de Punt, nous avons la câble de tension et aussi en rouge, nous avons la quille rudimentaire. Et ce n'est pas seulement une spécificité de la mer, mais aussi on peut utiliser ça dans les bateaux de charge, le bateau de travail. Ici, nous avons un bateau, une représentation de bateau qui transportait les deux obélisques de Hatshepsut, qui font, je crois, 700 tonnes. Et donc, ils avaient besoin d'avoir une très grande câble de tension et très élaborée. Nous avons cette scène, en fait, à Thèbes, et elle montre des Syriens qui sont arrivés jusqu'à Thèbes pour présenter leurs marchandises. Cela veut dire qu'on a pu emprunter le Nil de son embouchure jusqu'au Thèbes. Et ici, on peut voir avec une détection des équipements géophysiques, Aboukir. Ça, c'est la baie d'Aboukir. Et ici, nous avons Héraklion et Canopos. Et là, justement ici, c'est la branche canopique lui-même. Donc, vous allez remarquer qu'ici, nous avons une ville-port qui est en fait émergée et entourée d'eau. Voilà ce qu'on pense comment était Héraklion elle-même. Elle-même, bien sûr, jusqu'à Skedia, et après Skedia, Naucratis. Et donc, on sait très bien que sur la côte méditerranéenne, il n'y avait pas de port sur la côte elle-même, mais il y avait plein de ports fluviaux maritimes qui sont sur la branche. Seul Héraklion Tonis, qui était sur la mer. Et bien sûr, comme vous l'avez vu, c'est plutôt lagunaire. Et donc, tout ça a influencé les formes de carène ainsi que la construction elle-même et l'approvisionnement d'eau. Tout ça, simplement, peut ramener les Syriens à rentrer de la branche du Nil jusqu'à l'arrivée à Thèbes. Et on vous attend à Alexandrie. Okay.